Chapitre 1. Dans un fumoir élégant de la rue Bellechasse, un soir de mai, se trouvaient réunis trois hommes, trois amis d'enfance, charmés de se retrouver après une longue séparation. Ils n'étaient ni vieux ni jeunes. L'amphitryon était un militaire de haut grade, raide comme une lance, haut parlé brusque et bref, mais de cordiale humeur avec ses intimes, c'est-à-dire avec peu de gens. Le deuxième avait dépensé en voyage d'exploration le meilleur de sa vie. Il portait les insignes ordinaires de cette carrière aventureuse. Il était absolument chauve et très barbu. Le troisième était un personnage de grande taille, aux cheveux blonds mêlés de blanc, à physionomie expressive, douce et attristée. L'homme du monde dominait en lui, comme l'homme d'action dans le militaire et le sceptique dans le voyageur. Et c'était justement pour fêter le retour de ce dernier, Adrien de Vermont, arrivé récemment de la côte orientale d'Afrique, que le général Mérand avait convoqué Paul de Broglie. Monsieur de Vermont, emporté par son sujet, avait évoqué en poète la vie mystérieuse de ces pays étranges, éternellement rebelles à la civilisation européenne. Il en vint à parler chasse. Je me souviendrai toujours, dit-il, d'une certaine chasse aux gorilles qui m'a fait éprouver une des plus fortes émotions que j'ai ressenties. Raconte-nous cela, s'exclama le général. Mais d'abord, édifie-nous sur les mœurs particulières de cet animal-là. Je suis un ignorant, tu sais. Monsieur de Vermont sourit. Les gorilles, dit-il, sont, suivant la science officielle, des mammifères, des quadrumanes, famille des simiens, division des singes anthropomorphes, genre voisin des chimpanzés, créé par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et ne renfermant qu'une seule espèce, le Gorilla gina de Hannon, le Gorgona de Pline, le Pongo d'André Battel. Pour les nègres de la Guinée, les gorilles sont d'assez méchants nègres, velus comme les troncs séculaires ou les roches où ils vivent, faisant des fagots, construisant des cabanes au moyen de ces fagots, enlevant des négresses pour leur sérail, mais ne sachant ni parler un idiome ni faire du feu, ces deux apanages de l'humanité. Un peloton de gorilles, armé de ses dents et de simples bâtons, mettrait en fuite un de tes bataillons, Gustave, alors même que tu les commanderais en personne. Cette petite digression, dit le général, pour en arriver à nous dire que tu as tué tout seul une douzaine de ces colosses-là? Non, un seul, et pas à moi seul. J'étais à Denis, au Gabon, côte de Guinée, une vaste case au pied d'une colline, à la lisière d'un hémicycle de pâturage, bordé de grands bois, était habité par un clergyman anglais avec sa famille. Sa fille aînée, Miss Esther, était âgée de 18 ans et fort belle. Un beau jour, elle disparut. Je laissai la mère et les autres sœurs en larmes, et je partis avec le père et quelques gaillards déterminés pour une battue, de celle où une branche cassée ou des empreintes de pas sont les seuls guides. Après 3 jours, nous revenions plus tristes qu'en partant. Au moment de revoir fumer le toit de la case dans la plaine, nous retrouvâmes sous un grand arbre Esther gisant meurtrie, presque méconnaissable, roulée dans ses vêtements déchirés et tachés de sang. Elle semblait morte. Cependant ses yeux étaient ouverts et il nous regardait. Le clergyman se prosterna, en portant vivement la main sur le cœur de son enfant. Plus médecin que lui, j'examinais la situation qui semblait désespérée, et je dis au père quelques mots à voix basse. Il frémit. La jeune fille fut relevée et emportée à la maison avec des précautions infinies, tandis qu'un nègre nous devançait pour annoncer à la mère que Miss Esther n'était pas morte. Je puis vous dire qu'elle avait été guettée, emportée et violentée par un gorille. Brisée, anéantie, folle de peur, Miss Esther n'avait pu ni fuir ni même se rappeler par où son athlétique ravisseur avait passé. Elle s'était renfermée dans l'immobilité de l'oiseau surpris par la couleuvre. Seulement, elle avait supplié avec des larmes dans une langue que les gorilles n'entendent pas, et comme le lion de Florence, le bourreau semblait avoir eu pitié de sa victime. La brute avait subi l'ascendant d'une race supérieure, en abritant la prisonnière dans une cabane inaccessible, ébauchée sur un roc, où l'on n'arrivait qu'en grimpant aux arbres. Le gorille lui apportait des fruits, mais la voyant agoniser toujours et refuser toute nourriture, il prit son parti. Il la chargea de nouveau, et sans plus songer à sa lubricité, il reporta Esther à l'endroit où il l'avait surprise et où nous venions de la retrouver. Pour un gorille, il fit à quelque chose approchant du sublime. Pour nous, il se désignait à notre vengeance. Elle fut terrible. Le récit d'Adrien avait couvert de sueur le front de Paul de Broglie. « Savez-vous qu'il y a des gorilles ailleurs que dans les forêts du Gabon ? » dit-il à ses amis. Seulement, ils sont plus impitoyables. Mais pardon, Adrien, de t'avoir interrompu. Poursuis. La vengeance, dis-tu, fut terrible. Savourons un peu cette vengeance. Voici, dit Adrien. Je laissai Miss Esther entourée des soins de sa famille, et je repartis pour les bois. Je n'avais avec moi que trois compagnons. Un matelot français, un soldat anglais, un petit pointer, mon vieux compagnon de chasse. Peu de vivres, des fusils de choix, des munitions excellentes. Quant au chien, il avait son admirable instinct et une obéissance inconnue chez les hommes. Bref, nous découvrîmes enfin la retraite du gorille, vieux solitaire, qui avait élu domicile à une lieue de la plaine, dans l'endroit escarpé dont je vous ai dit un mot. Il vivait de rapines, et il avait étranglé plus d'une négresse sans que personne s'en fût ému, autant que de la disparition de Miss Esther. Surpris dans son fort, il ne chercha nullement à fuir. Quand il nous vit, non sans étonnement, parvenu de trois côtés différents sur son aire rocailleuse, le poil de son col se hérissa, ses narines se dilatèrent, et faisant entendre un cri de guerre aussi rauque qu'une trompette marine, ce lutteur qui attaquait les panthères sembla choisir qui de nous trois il égorgerait le premier. Une première balle envoyée par le matelot français le toucha au dos, mais ne fit que lui effleurer l'omoplate. Il se retourna et, d'un bond prodigieux, se trouva à portée de mordre le canon du fusil et de le casser entre les dents comme un sucre d'orge. L'anglais tira. J'ajustais aussi, mais je tremblais d'atteindre le matelot. En peu de temps, grâce à nos revolvers, le gorille reçut une averse de balles. Les reins brisés, il faisait tête encore, hurlait, bataillait. Il nous aurait écharpés, broyés, malgré ses blessures, si une dernière balle que je lui logeais dans l'œil ne l'avait fait rouler par terre. Il tomba, cette fois pour ne plus se relever. Son dernier cri fut celui de l'homme que l'on égorge. Nous le trouvâmes couché dans une boue sanglante, labouré par les ongles de ses mains énormes. Son cadavre était effrayant à voir. Nous lui fîmes un bûcher avec les débris de son ajoupa. Ainsi finit cet alma viva rudimentaire. Le comte avait écouté ce récit avec un intérêt fiévreux. « Si tu rencontrais sur le boulevard, dit-il à monsieur de Vermont, un gorille de l'espèce du tien, bien qu'ayant un état civil en règle et une position notariée excellente, te chargerais-tu de le tuer ?»« Cela dépend, repartit le sceptique, sans trop comprendre où Paul voulait en venir. Si j'étais sûr de l'impunité et qu'il s'agit de venger une Miss Esther... » « Il y a longtemps, dit tristement le comte de Broglie, que je me pose cette question. »« Voilà une transition superbe pour arriver à faire ton petit récit, mon cher Paul, dit le général. Eh bien, si Adrien finit, à toi la parole. »« C'est que je n'ai nul envie de l'apprendre, dit le comte d'un air naïvement contrit. »« Pour te taire, dit Adrien, il faut que tu craignes de nous intéresser trop. »« Ou pas assez, objecta Paul. »« Je voulais dire seulement qu'ayant fait de l'anthropologie, » je tiens la communauté d'origine du genre humain pour une question secondaire. Pour moi, il est aisé de reconnaître à première vue quel type humain procède des ruminants, tel autre des batraciens, tel autre des singes, celui-ci de l'aigle, celui-là du hibou. On coudoie des gorilles et des bulldogs exactement vêtus comme vous et moi, et se croyant nos égaux. C'est très drôle et très horrible. Sur ce point, un domestique entra et remit à M. Mérand un journal sur un plateau de vermeil. Le général regarda la bande et lut cette adresse écrite à la main. À monsieur le général Mérand, pour remettre à monsieur le comte de Broglie. Écriture de femme, pensa le militaire. Mais il se tut et passa le journal à Paul. C'était une feuille mondaine. Paul déchira la bande d'un geste brusque, déplia rapidement le journal, passa à la seconde page, comme s'il était sûr de ne rien trouver d'intéressant dans la première, et penché vers la lampe, il s'arrêta tout à coup à un article quelconque, mais qu'un large trait de plume désignait à son attention. Presque en même temps, il saisit son chapeau, passa lestement son par-dessus et dit à ses interlocuteurs ébahis « Pardon, mes amis, de prendre aussi promptement congé de vous, mais il faut que je parte, que Mérand veuille bien me faire avancer une voiture. » Quand il fut à la portière de la voiture de louage qu'un domestique était allé chercher, Paul de Broglie jeta au cocher ses seuls mots. « Gare Montparnasse !» En même temps, Gustave Mérand et Adrien de Vermont se demandaient si le comte était conspirateur ou amoureux. « As-tu toujours connu de Broglie aussi étrange ?» demanda de Vermont au militaire. « Paul, répliqua Mérand, est un homme dont la poitrine est percée de part en part et qui porte le fer dans sa plaie. S'il vit encore, c'est par un miracle de volonté. Un amour tardif, peut-être. Oh, moi, dit le général, je n'entends rien à l'amour. D'ailleurs, Paul n'a plus 20 ans. Où était-il à 20 ans ? Demanda Adrien. Je crois en Allemagne, dit Gustave, mais je n'ai jamais su ce qu'il y avait fait.